الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما بعد. Continue l'explication de Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, une explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah, dans son livre al-Mulakhas fi sharh Kitab al-Tawhid. Lors du dernier cours, on avait entamé le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. La parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens, tandis qu'une autre partie avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, digne de l'époque de l'ignorance. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, ceux qui pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الظانين أي المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات. ظن السوء بفتح السين وضمها أي ظن الأمر، أي ظن الأمر السوء، وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين. عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب والذل لازمة لهم لا تتخطاهم. وغضب الله عليهم ولعنهم أي سخط عليهم وأبعدهم من رحمته، وأعد لهم أي هيأ له في الآخرة، أي هيأ لهم، أي هيأ لهم، المكلمين أبخلها في الآخرة، جهنم أي النار الشديدة العذاب. وساءت مصيرا أي منزلا يصيرون إليه يوم القيامة. Dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, en sourate Al-Fath, الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Ceux qui pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, cite la suite du verset où Allah Azza wa Jal dit selon le sens, et Allah est énervé contre eux et courroucé contre eux, il les maudit et leur a préparé un enfer, et quelle mauvaise destination. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, الظانين, ceux qui pensent, c'est-à-dire ceux qui pensent du mal d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui ont le mauvais soupçon à l'égard d'Allah Azza wa Jal, parmi les munafiqin ou les munafiqat, parmi les hypocrites et les hypocrites hommes et femmes. ظن السوء, ils avaient une mauvaise pensée à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Ici on peut dire ظن السوء ou ظن السوء. Et quelle est cette mauvaise pensée qu'avaient les hypocrites? On l'a vu lors du dernier cours dans le verset similaire de Sourate Ali Imran. Dans Sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal a appelé cette mauvaise pensée ظن Al-Jahiliya, la mauvaise pensée digne de l'époque de l'ignorance. Et dans Sourate Al-Fath, Allah Azza wa Jalla l'a appelé Dhan al-Saw ou Dhan al-Saw, la mauvaise pensée. Ici, cette mauvaise pensée est que Allah Azza wa Jalla ne donnera pas victoire ou ne donne pas victoire à son prophète et aux croyants. Ceci dans quel contexte? Dans la bataille de Uhud. On avait vu dans les cours de Sira, notamment de l'histoire des prophètes, de Cheikh Saadi également, que les hypocrites ont commencé à apparaître quand à Médine? Après la bataille de Badr. Après la bataille de Badr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux, eh bien ceux de l'Aws et de l'Khazraj qui ne s'étaient pas encore convertis, certains se sont convertis virtuellement, ont montré un islam et se sont soumis à l'islam en apparence, mais ils cachaient en eux la mécréance. Et pour cela que de nombreux versets, ou les versets qui parlent des hypocrites, ont été révélés après la bataille de Badr, et notamment la bataille de Uhud, et l'une des batailles qui a succédé la bataille de Badr. Et lorsque cette bataille s'est soldée au final par la défaite des musulmans, eh bien les hypocrites ont eu une mauvaise pensée à l'égard d'Allah Azzawajal, notamment que suite à cette défaite, que les musulmans n'allaient pas s'en remettre, et que après cette défaite ils ne connaîtraient plus de victoire. عليهم دائرة السوء, que le mal retombe sur eux, c'est-à-dire que la bassesse et le châtiment les touchera et ne les loupera pas. La tatakhattahum. Et dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il est courroucé contre eux et qu'il les maudit. Et la malédiction, c'est le fait d'éloigner, d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla est courroucé contre eux, il les maudit et leur a préparé, c'est-à-dire dans l'au-delà, Jahannam, qui est un feu et comportant un châtiment extrêmement douloureux. Wasa'at masira, et quelle mauvaise destination, c'est-à-dire que comme est mauvais cet endroit dans lequel ils finiront le jour du jugement. Al-ma'na al-ijmali lil-aya يقول تعالى على الذين يتهمون الله في حكمه ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه وأتباعه على أعدائهم دائرة العذاب وأبعدهم الله من رحمته وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها هي شر ما يصار إليه. مناسبة الآية للباب أن فيها أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء. Le sens général de ce verset, Allah Azza wa Jalla nous informe que ceux qui s'en prennent à Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement et qui pensent qu'Allah Azza wa Jalla ne donnera pas victoire ni à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à ses compagnons, ni à ceux qui les suivent, ceux qui pensent qu'Allah Azza wa Jalla ne leur donnera pas la victoire, eh bien le châtiment se retournera et retombera sur eux, et Allah Azza wa Jalla les éloignera de sa miséricorde, et il leur préparera dans l'au-delà un feu qui sera leur refuge, et c'est ce qu'il y a de plus mauvais et de plus mal. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, il y a dans ce verset la preuve que celui qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas victoire à son parti, ne donnera pas victoire à son parti contre ses ennemis, eh bien, une personne qui aura une telle pensée aura eu un mauvais soupçon et une mauvaise pensée à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Ma yustafadu min al-ayah, التحذير من سوء الظن بالله ووجوب حسن الظن به أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه فقد ظن به ظن السوء. وصف الله بأنه يغضب على أعدائه ويلعنهم بيان عاقبة الكفار والمنافقين. On retient de ce verset quatre choses. La première, la mise en garde contre le fait de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'obligation d'avoir le bon soupçon et de penser du bien d'Allah azza wa jal. Deuxièmement, que celui qui pense qu'Allah Azzawajal ne donnera pas victoire à son prophète et à sa religion a alors eu une mauvaise pensée. Troisièmement, le fait qu'Allah Azzawajal est caractérisé a le caractère de la colère et qu'Allah Azzawajal est en colère contre ses ennemis et Allah Azzawajal les maudit également. Et quatrièmement, le retient de ce verset, la finalité et le devenir des mécréants et des hypocrites, à savoir que leur refuge et leur destination finale sera l'enfer. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما لا يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. Puis l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah cite la parole de l'imam al-Qayyim rahimahullah qu'il tire de son livre Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-ibad, notamment après qu'il ait cité rahimahullah la bataille de Uhud. L'imam al-Qayyim rahimahullah dit en expliquant le premier verset fil ayatil oula, donc le premier verset qui est le verset de sourate qu'a cité l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est le verset de sourate Ali Imran, que le mauvais soupçon ou la mauvaise pensée a été expliquée, à savoir qu'Allah Azzawajal ne donnerait pas victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam était voué à disparaître. Et que ce qui a touché les musulmans, notamment lors de la bataille de Uhud, n'a pas eu lieu par la prédestination d'Allah Azzawajal ni par sa sagesse. Car on a vu notamment que les polythéistes ont dit là-haut. إيش الآية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. Si nous avions un quelconque poids de décision quant à entreprendre ou non la bataille de Uhud, eh bien nous n'aurions pas été tués ici. Et les savants ont déduit, et ça on l'a vu précédemment, que à travers cela les hypocrites ont nié la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce qui est arrivé dans la bataille de Uhud est une chose qu'Allah azawajal avait prédestinée, qu'Allah azawajal avait décrétée, et que c'est une chose qui devait avoir lieu indéniablement, et que ceux qui ont perdu la vie dans la bataille de Uhud devait perdre la vie à ce moment-là et que personne ne peut échapper à la mort et que si Allah Azzawajal écrit la mort et décrète la mort de quelqu'un dans un endroit et un moment bien déterminé, eh bien cette personne ne peut échapper à ce qu'Allah Azzawajal lui a prédestiné. Donc le fait que les hypocrites aient dit cela revient à avoir nié la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une des explications de cette mauvaise pensée que les hypocrites ont eue à l'égard d'Allah azzawajal. Et cela a été également expliqué comme étant le fait de nier la sagesse d'Allah azzawajal, qu'il n'y a pas de sagesse derrière cette défaite que les musulmans ont subie lors de la bataille de Uhud. Et également, cela a été expliqué comme étant le fait que la mauvaise pensée est que Allah Azzawajal ne permettrait pas à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de poursuivre son message et d'avoir le dessus sur ses ennemis, et qu'Allah Azzawajal finalement ne ferait pas, ne donnerait pas la suprématie à sa religion. Et tout ceci est la mauvaise pensée qu'ont eu les hypocrites et les polythéistes, comme cela est cité dans Sourate Al-Fath également. Ceci est une mauvaise pensée, car cela ne convient pas à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette mauvaise pensée ne correspond ni à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à la reconnaissance et la louange dont est digne Allah subhanahu wa ta'ala, car derrière cette défaite, il y a une sagesse divine, il y a un bien, et ça, on l'a vu, on le verra par la suite, il y a une sagesse à travers cette défaite que les musulmans ont subie dans la bataille de Uhud. Or, la sagesse et les bienfaits d'Allah azzawajal doivent être suivis de reconnaissance et de louange. Et cela également est contraire à la promesse véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azzawajal a promis qu'il donnerait victoire à son prophète. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya. Nous donnons victoire à nos envoyés et à ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas. Celui donc qui pense, c'est toujours la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, celui donc qui pense qu'Allah azzawajal accorde la domination du mal et du faux sur la vérité de façon continuelle et perpétuelle, de telle sorte que la vérité disparaît, ou celui qui nie le fait que tout ce qui a lieu n'a pas lieu par la prédestination et le décret d'Allah Azzawajal, ou celui qui nie le fait que ce qu'Allah Azzawajal a prédestiné n'a pas eu lieu par une sagesse divine qui mérite louange, mais qui considère au contraire que ce qui a lieu de façon spontanée et d'une volonté dépourvue de sagesse divine. Et ici, l'imam Ibn al-Qayyim cite, en qualifiant ces paroles comme étant la pensée des mécréants, comme le dit Allah Azzawajal, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, et que le malheur de l'enfer s'abatte sur les mécréants. فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Puis l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit que la plupart des gens pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les choses qui les touchent personnellement, fima yakhtassu bihim, ou concernant les choses qui touchent autrui, et ne sont à l'abri de ces mauvaises pensées à l'égard d'Allah azzawajal que ceux qui connaissent Allah, ceux qui connaissent ses noms et ses attributs. Ce qui implique que ce que subit la personne, ou que ce que subissent autrui, le subissent par une sagesse et que cela doit faire en sorte que les personnes soient reconnaissantes envers Allah Azza wa Jal et que cela est en totale concordance avec la promesse véridique d'Allah Azza wa Jal. Puis l'imam Ibn al-Qayyim dit que toute personne intelligente accorde donc de l'importance à cela et que celui qui pense du mal de son Seigneur se doit de se repentir à lui Azza wa Jal et de lui demander le pardon. Puis il dit rahimahullah, quelle que soit la personne, walau fattashta man fattasht, quelle que soit la personne dont tu inspectes les agissements, eh bien tu remarqueras que cette personne s'obstine face au destin et blâme le destin en se plaignant que les choses auraient dû se passer de telle et telle façon. Et cela, on l'a vu dans la parole de ce qui est rapporté dans l'expression « si ». Et que cette obstination face à ce que la personne subit est grande ou moins grande selon les individus. Certains vont mal prendre les choses qui les touchent. D'autres vont mieux le prendre. Puis l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « Wa fattish nafsaka hal anta salim » Scrute donc ta propre personne. En es-tu épargné? Es-tu épargné d'avoir de mauvaises pensées et de mauvais soupçons à l'égard d'Allah Azza wa Jal lorsqu'un malheur te touche personnellement, lorsque un mal touche une autre personne qui t'est proche par exemple? Comment est ta réaction face aux choses que tu subis et qu'Allah Azza wa Jal a ta prédestiné? Puis l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah cite le vers فَإِن تَنْجُو مِنْهَا تَنْجُو مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَجِيَا. Si tu en réchappes, tu évites une calamité. Si tu échappes du fait d'avoir de mauvais soupçons et de mauvaises pensées à l'égard d'Allah Azza wa Jal, tu évites une calamité, tu évites une chose extrêmement grave, car il est extrêmement grave d'avoir une mauvaise pensée à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Sinon, illa, je doute que tu ne sois jamais sauvé. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال ابن القيم أي في زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد ومناسبة ذكر كلامه هنا توضيح معنى الآية الكريمة. فسر هذا الظن أي المذكور في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق. سيضمحل أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر والامضحلال ذهاب الشيء. ففسر أي فسر هذا الظن بثلاثة تفاسير: بإنكار الحكمة أي أن ما أجراه في وقعة أحد لم يكن لحكمة بالغة وهي التي أشار إليها بقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وإنكار القدر أي أنهم لو أطاعونا ولم يخرجوا ما قتلوا. وإنكار أن يتم أمر رسوله حيث ظنوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد أهله. وفي سورة الفتح أي الظن الذي ذكره الله عن المنافقين والمشركين في سورة الفتح في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء. يديل الباطل أي يجعل له الدولة والغلبة أو الدولة والغلبة. تعنتا على القدر أي اعتراضا وافتراضا عليه. فمستقل ومستكثر أي من هذا الاعتراض على القدر. فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة تنجو من ذي عظيمة أي من أمر ذي مصيبة عظيمة. إخالك بكسر الهمزة أي أظنك ناجيا من الاعتراض على القدر. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, explique la parole de l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. Que l'imam Ibn Al-Qayyim a dit, c'est-à-dire dans son livre Zad al-Ma'ad, dans la parole qu'a dit l'imam Ibn Al-Qayyim concernant la bataille de Uhud. Et l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité ici, dans son livre Kitab al-Tawhid, cette parole de l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, afin d'expliquer et de montrer de façon plus explicite le sens de ce verset. Cela a été expliqué. Cette mauvaise pensée a été expliquée, c'est-à-dire la mauvaise pensée citée dans la parole d'Allah Azzawajal de Sourate Ali Imran, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. Ils pensent des choses à l'égard d'Allah Azzawajal qui sont contraires à la vérité. سَيَضْمَحِلْ. En parlant de la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'elle disparaîtra, c'est-à-dire qu'elle partira et elle se dissipera jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de son appel et de la religion à laquelle il appelle. Et al-idmihlal en arabe, c'est le fait qu'une chose s'en aille, qu'une chose disparaisse. Fafussira. Et la mauvaise pensée a été expliquée, c'est-à-dire a été expliquée par trois explications. La première, en niant la sagesse, c'est-à-dire que ce qui a eu lieu dans la bataille de Uhud n'a pas eu lieu par une sagesse évidente. Or, cette sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous en informe dans Sourate Ali Imran, dans la suite de ce verset, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Donc la sagesse est cela. La deuxième explication de cette mauvaise pensée est le fait de rejeter et de nier la prédestination. Notamment lorsqu'ils ont dit « s'il nous avait écouté », si c'est des hypocrites qui parlent, « s'il nous avait écouté, eh bien, il ne serait pas sorti pour combattre et il n'aurait donc pas été tué. » Et la troisième explication de cette mauvaise pensée est que la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivera pas au bout. Lorsqu'ils ont pensé que les hypocrites et les polythéistes, pardon, lorsqu'ils ont eu le dessus et la victoire sur les musulmans à ce moment-là, que c'était la fin et le coup de grâce contre l'islam et que, à la suite de cette défaite, les adeptes de l'islam allaient disparaître. Et dans Sourate Al-Fath, c'est-à-dire la mauvaise pensée qu'Allah Azzawajal a citée dans Sourate Al-Fath, la mauvaise pensée qu'ont eu les hypocrites et les polythéistes, dans la parole d'Allah Azzawajal, أَظَّنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ, ceux qui ont une mauvaise pensée à l'égard d'Allah Azzawajal. يُدِيلُ الْبَاطِلِ. Lorsque l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, a dit, celui qui pense qu'Allah Azzawajal accorde la domination au faux, c'est-à-dire celui qui pense qu'Allah Azzawajal donne le dessus au mal face à la vérité. Et ceci est bien sûr conditionné à celui qui pense qu'Allah Azzawajal donne le dessus au faux sur la vérité de façon continuel et perpétuel. Quant au fait qu'Allah Azzawajal donne le dessus au mal sur la vérité ou au faux sur la vérité de façon temporaire, cela est vrai ou faux? Cela est vrai ou faux? Cela est vrai. La défaite de la bataille de Uhud en est une des preuves. Mais Dans tous les cas, Allah Azzawajal ne donne pas la suprématie au faux face à la vérité de façon continuelle, au point que la vérité disparaisse. Celui qui pense cela a alors pensé de façon mauvaise à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ceci est une parenthèse que Cheikh Al-Fawzan hafizahullah donne dans son autre explication de Kitab al-Tawhid, notamment I'anat al-Mustafid. Il dit, et cela également explique le fait que les croyants, qu'Allah Azzawajal les rétribue alors qu'il les aime. Est-ce qu'Allah Azzawajal aime les croyants? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'Allah Azzawajal peut rétribuer un croyant? Quand on dit rétribuer, c'est-à-dire faire en sorte que ce croyant subisse les conséquences d'une de ses désobéissances. Et la conséquence est mauvaise. Il subit les conséquences de son péché à travers une épreuve qu'Allah Azzawajal lui inflige, alors qu'Allah Azzawajal l'aime. Et vice-versa, Cheikh Al-Fawzan dit que l'on constate que les non-musulmans, les mécréants, malgré leur mécréance, ou certains malgré leur mécréance, eh bien, sont dans l'aisance. Et par exemple, les pays européens vivent dans la modernité. Le climat est un climat qui est bon. Il pleut souvent, il y a de la verdure, il y a des fruits et des légumes. Il y a de nombreux bienfaits dont ils jouissent. Et ceci est un istidraj de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla les laisse profiter, et plus ils profitent, plus ils sont ingrats, et plus ils sombrent dans leur mécréance, et plus leur châtiment sera dur le jour du jugement. Et malheureusement, certains musulmans se plaignent en disant pourquoi dans les pays musulmans ce sont des pays pauvres, des pays où il fait souvent chaud, où les agriculteurs se plaignent de la sécheresse, etc., etc., alors que dans les pays de l'Occident, eh bien, ils n'ont pas ce problème de sécheresse, ils ont toujours les fruits et les légumes en abondance, etc. Et cela amène ces certains musulmans à penser du mal d'Allah Azza wa Jal, et à penser qu'Allah Azza wa Jal favorise des mécréants malgré leur mécréance, et qu'il défavorise des croyants malgré leur croyance. Et ceci est une mauvaise pensée d'Allah Azza wa Jal. Et les savants disent qu'Allah Azza wa Jal donne la dunya à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Quant à leur religion, Allah Azza wa Jal ne l'accorde qu'à ceux qu'il aime. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal élargisse à certains non-musulmans dans cette vie d'ici-bas, afin qu'ils jouissent de tout ce qu'il souhaite et de tout ce qu'il désire, cela n'est pas une marque de vérité, cela n'est pas une marque et n'est pas une preuve qu'ils sont dans le vrai et qu'ils sont récompensés par la situation dans laquelle ils sont, au contraire. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Allah Azza wa Jal dit: et que ceux qui mécroient ne pensent pas que إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ نعم, le fait qu'Allah Azza wa Jal leur laisse un sursis et leur accorde un délai, qu'ils ne pensent pas que cela est meilleur pour eux. Nous leur accordons ce délai et nous leur permettons de profiter de cela afin qu'ils augmentent en mauvaises actions. يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال حفظه الله تعنتا على القدر أي اعتراضا وافتراضا عليه. نعم. lorsqu'il parle lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah parle que lorsque tu inspectes l'état et la situation et les agissements de personnes, eh bien tu remarqueras qu'elles font preuve, que ces personnes font preuve d'obstination face au destin et le blâme, c'est-à-dire qu'ils contredisent et montrent leur désaccord face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمُسْتَقِلُّونَ وَمُسْتَكْثِرُ. Et les gens sont différents face à cette non-acceptation et ce mauvais comportement vis-à-vis de ce qui les touche. Certains ont des agissements plus graves que d'autres. Et dans la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, ici c'est une parenthèse de Cheikh al-Fawzan dans son autre explication de Kitab al-Tawhid, dans la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, scrute donc ta personne, en es-tu épargné? Il dit, hafidhahullah, que dans cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on déduit que la personne ne doit pas se vanter, que la personne ne doit jamais se vanter. Fala tuzakku anfusakum, ne vantez pas vos personnes. Qu'est-ce que vanter? C'est-à-dire ne penser que du bien de soi, penser que l'on est meilleur, être dupé par sa personne en pensant que l'on est complet, que l'on fait partie des personnes pieuses, des personnes vertueuses, des personnes qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, l'être humain doit sans cesse penser qu'il est manquant vis-à-vis des droits d'Allah azawajal, et que quels que soient les efforts qu'il produit, eh bien il sera toujours manquant vis-à-vis des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses interdits. Et la thèse qu'il y a est de deux sortes. Il y a celle qui est interdite, le fait de penser du bien de soi et de se auto-vanter. Et il y a l'autre thèse qui est, qui elle est obligatoire, qui est la purification. Le fait de se purifier en se réformant, en accomplissant des œuvres vertueuses et en se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, d'où la parole d'Allah azza wa jalla, qad aflaha man zakkaha, connaît la réussite ou réussira celui qui l'a purifié, en parlant de l'âme, celui qui a purifié son âme en réformant son âme par les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et par le retour al-inabah vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر. في منكر القدر. Le chapitre de ce qui est rapporté au sujet de ceux qui renient la prédestination. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. Puis l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, cite la parole de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, lorsqu'il dit: par celui qui détient l'âme de Ibn Umar dans sa main, si l'un d'entre eux possédait la montagne de Uhud en or, puis la donnait en aumône dans le sentier d'Allah Azzawajal, Allah Azzawajal n'acceptera pas de lui cet aumône tant qu'il ne croira pas à la prédestination. Puis il a utilisé pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: et la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire à la prédestination et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Rapporté par Muslim dans son Sahih. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به، ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به. ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد، والقدر بفتح القاف والدال ما يقدره الله من القضاء وما يجري في الكون، أحد بضمتين جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي لما سأله جبريل عن الإيمان. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا متقيا، والله لا يقبل إلا من المتقين. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Parce que l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie ne peut s'avérer qu'en attestant la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir la science et d'avoir la foi en la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Ma ja'a fi munkir al-qadar, dans le chapitre de ce qui est rapporté au sujet de ceux qui renient la prédestination, c'est-à-dire ce qui est rapporté comme menace extrêmement dure. Et al-qadar, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prédestine comme décret et comme choses qui ont lieu dans cet univers. Uhud, qui est une montagne située à proximité de Médine, notamment en direction du Shem. Puis, Ibn Umar radiallahu anhu a utilisé pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lorsque Jibril alayhi salam est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam ces différentes questions, dont celle-ci, à savoir qu'est-ce que la foi. Et la preuve dans ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré la foi en la prédestination comme étant un pilier de la foi. Celui donc qui renie ce pilier n'est pas un croyant pieux, or Allah Azza wa Jal n'accepte que des pieux. المعنى الإجمالي للأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أن قوما ينكرون القدر بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين، حيث أنكروا أصلا من أصوله، واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد أن الإيمان الذي ورد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها جميعا، فمن جحد بعضها فهو كافر بالجميع. مناسبة الأثر للباب بيان حكم منكر القدر. ما يستفاد من الأثر أن إنكار القدر كفر، أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمنين، الاستدلال على الأحكام من الكتاب والسنة. Le sens général de ce hadith, de ce athar, pardon, est que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, lorsque lui est parvenu que des personnes reniaient la prédestination. Et ces personnes qui ont renié la prédestination sont apparues vers la fin du temps des compagnons, radiallahu anhum, après la mort des quatre califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu ta'ala anhum, et même après le calife, le règne de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhum. Ces personnes sont apparues vers la fin de la vie de Abdullah ibn Omar et de Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un homme dénommé Ma'bad al-Juhani a renié le destin, a renié la prédestination. Et deux personnes, et cela, ce hadith on l'a déjà vu, Yahya ibn Omar et Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari, cet homme, Ma'bad al-Juhani, qui est apparu à Al-Basra, en Irak, a apporté cette innovation, eh bien, ces deux personnes ont profité de leur voyage à la Mecque pour accomplir la Umrah ou le Hajj, pour demander au premier des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils rencontreraient une fois arrivés. Et une fois arrivés, le premier des compagnons qu'ils ont rencontrés était Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, un savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est lorsque Yahya ibn Omar et Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari ont expliqué que des personnes à Al-Basra ont renié la prédestination, c'est là où Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a dit ces paroles. Donc lorsque l'information est parvenue à Abdullah ibn Omar que des personnes reniaient la prédestination, il leur a montré que c'est une croyance erronée et que avoir une croyance comme celle-ci fait sortir de l'islam, car ils ont renié un de ses piliers. Et il a utilisé pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel est rapporté que la foi en la prédestination est un des six piliers de la foi, qu'il est obligatoire de croire en l'ensemble des piliers de la foi, et que celui qui mécroit en l'un des piliers de la foi a mécru en l'ensemble des piliers. De même que celui qui mécroit en l'un des prophètes et envoyé d'Allah Azzawajal a mécru en l'ensemble des prophètes. Le contexte de ce athar dans le chapitre. Il y a dans ce athar l'explication du jugement de celui qui renie la prédestination. Et son jugement est la mécréance et qu'il sort de l'islam. Ce que l'on retient de ce athar, premièrement, que le fait de renier la prédestination est de la mécréance. Deuxièmement, que les bonnes actions ne sont acceptées que des croyants. Et troisièmement, le fait d'utiliser pour preuve les jugements, d'utiliser comme preuve concernant les jugements le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Abdullah ibn Omar, après avoir émis son jugement et après avoir répondu à la question de ces deux hommes, a utilisé pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jibril. وعن عبادة بن الصامت قال المؤلف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة ما بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. Et selon Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, qu'il a dit à son fils: ô mon fils, ou si on veut traduire textuellement, ô fiston, tu ne goûteras à la douceur de la foi que lorsque tu sauras que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et que ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut arriver. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: la première chose qu'Allah ait créée est la plume. Puis Allah lui a dit: écris. La plume a dit: Seigneur, que dois-je écrire? Allah azza wa jal a dit: écris la prédestination de toute chose jusqu'à ce que vienne l'heure. Ô fiston, ô mon fils, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui meurt en ayant une croyance différente de celle-ci ne fait pas partie de moi. Et dans la version de l'imam Ahmed, la première chose qu'Allah ait créée est la plume. Il lui a dit: écris. La plume écrivit alors tous les événements jusqu'au jour de la résurrection. Et dans une version d'Ibn Wahb, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne croit pas au destin, bon soit-il ou mauvais, Allah le brûlera par le feu. At-Tarajim قال لابنه هو الوليد ابن عبادة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين ومات بعد السبعين رحمه الله. ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الثقة الفقيه صاحب مالك، ولد سنة 125 وتوفي سنة 197 رحمه الله. البيوغرافي. Lorsqu'il a dit à son fils, donc Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son fils, qui est Al-Walid ibn Ubadah, qui est né à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fait partie des grands parmi les tabi'in. Et il est mort après l'âge de 70 ans. Ibn Wahb, qui est Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Misri, qui est un digne de confiance, un juriste qui était l'un des compagnons de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, Ibn Wahb, qui est né en l'an 125 de l'Hégire et qui est décédé, rahimahullah, en l'an 197. طعم الإيمان أي حلاوته فإن له حلاوة وطعما من ذاقهما تسلى عن الدنيا وما عليها. ما أصابك لم يكن ليخطئك إلى آخره، أي أنما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك، وما لم يقدر عليك فلن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا استدلال من عبادة على ما سبق. إن أول ما خلق الله القلم، أي هو أول شيء خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض، وليس هو أول المخلوقات مطلقا. من مات على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر، فليس مني، أي أنا بريء منه، لأنه منكر لعلم الله القديم بأفعال العباد، ومن كان كذلك فهو كافر. ومن لم يؤمن بالقدر، أي بما قدره الله وقضاء أي بما قدره الله وقضاه في خلقه. Ici ils sont trompés, ils ont mis une hamza au lieu d'un ha. أي بما قدره الله وقضاه في خلقه. أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته لأن جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافدة وخلقه لكل شيء وكذب بكتبه ورسله. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, en expliquant les différents termes de ce athar. Le goût ou la douceur de la foi. Ô mon fils, tu ne goûteras à la foi. Tu ne goûteras à la foi. C'est-à-dire à la douceur de la foi. Car la foi a une douceur, a une saveur. Celui qui a un goût, celui qui goûte à cela, à cette douceur et à ce goût, eh bien, se verra réconforté et se verra rassuré vis-à-vis de cette vie d'ici-bas et de ce qu'elle contient. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations que tu devras traverser dans cette vie d'ici-bas, eh bien, tu le feras de façon sereine, car tu as la foi en Allah Azzawajal, et notamment la foi en la prédestination. Et tu sais que tout ce qui t'arrive ne pouvait t'éviter. Et ce qu'il t'a évité ne pouvait t'atteindre. ما أصابك لم يكن ليخطئك. Ce qui t'arrive ne peut t'éviter. C'est-à-dire, jusqu'à la fin de la parole, c'est-à-dire que ce qui t'a été prédestiné comme bien et mal ne peut te louper et ne peut passer à côté de toi. Et ce qui ne t'a pas été prédestiné ne peut t'atteindre et te toucher. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ceci est la preuve qu'a utilisé Ubada ibn Samit radiyallahu anhu pour appuyer la parole et les conseils qu'il a adressés à son fils. Car dans notre version, son fils est venu à Ubada ibn Samit lorsqu'il était dans le lit de mort. Et il a demandé à son père de lui adresser des recommandations. Et c'est ainsi que Ubada ibn Samit lui a adressé ses conseils à son fils. La première chose qu'Allah a créée est la plume. Et ici, Ashir al-Fawzan dit, c'est-à-dire que la première chose qu'Allah a créée avant la création des cieux et de la terre. Et ce n'est pas la première des créatures dans l'absolu. Et ici, Ashir al-Fawzan fait allusion à la divergence des savants sur quelle est la première chose créée par Allah Azzawajal. Est-ce la plume ou est-ce le trône? Est-ce la plume ou est-ce le trône? Et cela est une divergence des savants, car il y a différents hadiths, notamment le hadith de Ubad ibn Samit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah azza wa jalla a créé les cieux et la terre, wa kana arshuhu ala al-ma, et son trône était au-dessus de l'eau. Et donc, ces savants ont utilisé ce hadith pour dire que le trône est la première des créatures. D'autres savants ont utilisé ce hadith, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose qu'Allah a créée est la plume. Certains ont pris le hadith dans le sens apparent, c'est-à-dire la première chose qu'Allah a créée est la plume. Et d'autres savants ont dit Ce hadith, il faut le comprendre dans le sens où, dès les premiers instants où Allah Azzawajal a créé la plume, il lui a demandé d'écrire. Au moment où Allah a créé la plume, il lui a demandé d'écrire, juste après l'avoir créée. À Koulihal, c'est une divergence des savants. Un certain nombre de savants tendent vers l'avis que la première créature est le trône. D'autres, comme l'imam Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sont de l'avis que c'est Afwan. Les premiers disent que c'est la plume qui est la première chose créée. Et l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de l'imam Ibn al-Qayyim est que c'est le trône qui est la première des créatures. Et c'est notamment vers cet avis que tend Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Walaysa huwa awwal al-makhluqati mutlaqa » et la plume n'est pas la première des créatures dans l'absolu. Autrement dit, qu'il considère que la première chose créée est le trône. Celui qui meurt sur autre que cela, c'est-à-dire sur celui qui meurt en n'ayant pas la foi et en ne croyant pas à la prédestination. Falaysa minni, il ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire que je me désavoue de lui, car il renie la science d'Allah Azzawajal concernant les actes et les agissements de ses serviteurs. Et celui qui nie cela est un mécréant. Man lam yu'min bil qadar, celui qui ne croit pas en la prédestination, c'est-à-dire en ce qu'Allah Azzawajal a prédestiné et décrété sur ses serviteurs. Ahraqahu Allah bin nar, Allah le brûlera par le feu de par sa mécréance et son innovation, car il a renié la puissance d'Allah Azzawajal et sa capacité parfaite et absolue, et il a nié également le fait que la volonté d'Allah Azzawajal n'est pas mise en application. Il nie également qu'Allah Azzawajal n'est pas le créateur de toutes choses, et il traite ainsi de mensonge le livre d'Allah et ses prophètes et envoyés. المعنى الإجمالي للأثر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه الوليد بالإيمان بالقدر خيره وشره ويبين له ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الطيبة والنتائج الحسنة في الدنيا والآخرة وما يترتب على الإنكار وما يترتب على إنكار القدر من الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة ويستدل على ما يقول بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات فلا يقع في الكون شيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. Le sens général de ce athar, Ubad ibn Samit radiallahu anhu, recommande à son fils Al-Walid d'avoir la foi au destin bon et mauvais. Et il lui a expliqué, il lui a montré ce qui découle de la foi en la prédestination comme bonne conséquence ou comme bonne implication. Et les fruits qu'apporte cette croyance dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il utilise pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve, qui affirme et qui atteste qu'Allah azawajal a prédestiné auparavant et a décrété et a ordonné à la plume de décrire toute chose et tout ce qui advient dans l'univers avant même la création des créatures, et que rien n'a lieu dans cet univers, et ce jusqu'au jour dernier, rien n'a lieu sans décret et prédestination d'Allah Azzawajal. مناسبه الاثر للباب ان فيه وجوب الايمان بالقدر والتحذير من انكاره والكفر به وبيان الوعيد المترتب على ذلك. Le contexte de ce athar dans ce chapitre, il y a dans ce athar l'obligation de croire en la prédestination, la mise en garde contre le fait de le renier et de ne pas y croire, et l'explication de ce qui découle comme menace et l'explication de la menace qui pèse sur celui qui ne croit pas en la prédestination. ما يستفاد من الأثر أولا وجوب الإيمان بالقدر ثانيا الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر ثالثا إثبات القلم وكتابة المقادير الماضية والمستقبلة به إلى قيام الساعة. On retient de ce hasard trois choses: l'obligation de croire en la prédestination, deuxièmement la menace dure qui pèse et qui découle de celui qui renie la prédestination, troisièmement le fait d'attester de la plume et que l'ensemble des décrets passé et futur sont écrits et enregistrés, et ceci, tous les faits passés et futurs qui ont lieu, et ce jusqu'au jour dernier. On a fait bien le cadre.